C'était évidemment Shanty Tramp, vous l'aurez deviné, de Betty Dixon. Elle avait le nom en plus, Dixon, c'est pas pire. voilà, mais je pense pas qu'elle ait connu un grand succès. C'est, peut-être, en fait. On lui souhaite qu'elle vive sur tous ses droits d'auteur puis qu'elle se la coule douce. Voilà, mais en tout cas, elle a fait au moins un film, puis c'est ça. C'était pas pire. C'est quoi le titre du film? Shanty Tramp? Non, je sais pas. Ça se pourrait. Mais voilà, c'est pas exceptionnel, mais c'est quand même pas mauvais, tu sais. Puis ça, il y en a eu pas mal, les compilations, surtout les années 90, c'était bien en mode, justement, avec les films de Tarantino, puis ça, c'est comme revenu populaire, le série B, le série Z, et puis voilà, donc ça date de cette époque-là, et puis c'est pas mauvais, tout le reste de l'album se coûte assez bien, mais... On est mis avec une toune. Fait que. Hey, écoute, on peut pas rouler là-dessus. Là. Fait que, non, non, ben on a de choix en masse. Bonne, pas une 4 disques là, dans ma collection. Bon. Faut être raisonnable. Oh, oui, c'est ça. On peut écœurer le monde avec ça. Bon. Fait que, moi, ma prochaine toune a aucune continuité. Je tiens à le dire. C'est pris d'une compilation. Ben, c'est une continuité, ça. Je suis bien niaiseux. Fait que, oui, drôle. Continuité. C'est un bootleg, si, c'est en plus. Ouais, bootleg compilation. Appelons ça comme ça. Une pochette molle. Ouais, ouais, étrangement. C'est Nirvana, Saturday Night Not So Live. En gros, toutes les prestations qu'ils ont faites à Saturday Night Live avec un paquet de B-side, ce qui est très bien, moi, je trouve. De toute façon, ils n'ont pas fait assez de tunes sur... À sa... non, là, ils n'ont pas eu assez longue longévité pour faire ça. Je vais mettre un B-side qui n'a pas été retenu pour In Untero, qui est Versi, Chorus. On n'a pas ça sur les Outsister Side aussi? On a ça sur les Outsister Side, ces tunes-là, non? Oui, mais les Ancesticides, c'était une compilation de toutes les B-sides qui n'étaient pas Ancesticides et compagnie, c'est, mettons. Là, c'est genre de tunes-là qu'on a retrouvé sur CD. Mettons tout ce que tu peux trouver sur Internet avant ça. Okay. C'est comme tu n'avais pas le choix d'avoir. Non, mais j'imagine qu'en CD, ça doit valoir assez cher, mais moi, j'ai volume 2 et 3 en vinyle. Oh! Mais qui doit être juste une copie du CD sur un vinyle. Probablement, parce que c'est ma connaissance. Il n'y a pas de side dessus, il n'y a pas rien. C'est juste comme, t'as un vinyle avec deux étiquettes blanches. T'as des versions pirates dans le CD aussi. ça serait étonnant que ça ne soit pas dans le vinyle. Fait que... Bon. Est-ce que toi, c'est pas une version pirate, là, c'est un album, c'est un bootleg, dans le fond. Oui, c'est pirate. C'est très pirate, là, mais ça a l'air plus legit que le truc, moi, qui est marqué à main, genre Made in Mexico, je pense. Ouais. Limited Edition, genre, mais tu sais, comme, ah ouais, t'es Limited Edition, que, ben, toi, t'as décidé que c'était une édition limitée, là. Fait que, anyway. Ouais, écoutez ça. And if you save yourself, you will make. I'm happy. de retour. Nirvana avec Versus. Versi, Chorus, Versi. Je sais pas pourquoi j'ai de la misère avec ce mot-là. On est où, là? On est-tu au 42 sous-sol FM? 42 sous-sol FM. Voilà. Francis Appam, David Le Siège. C'est bien dit. Fait qu'on avait du Nirvana. Hey, moi, Nirvana, mon gars, là. À toi que j'écoute ça, là, j'ai comme... Les cheveux longs. Ah, non, j'avais pas les cheveux longs. Dans mon cas, parce que... Mais ça me ramène vraiment à une période glorieuse de ma jeunesse. Puis on dit que c'est bon. Mais c'est ça. C'est un peu de nostalgie pour moi. Fait que oui, j'aimerais ça que tu nous sortes les Autiste Side éventuellement. Ça serait bon. Oh, ouais, au pire, des tunes comme D7. D7, ça c'était une autre bonne. Non, je pense que je l'ai pas celle-là, malheureusement. Ouais. Ça, c'est une tune que j'ai juste aucune idée. Personne qui a fait comme. Ah non, cette tune-là, c'est un peu trop violent. Je sais pas qui a pris la décision de faire fuck off cette tune-là. C'est juste un peu ridicule. Là, mais elle a peut-être sorti sur un B-side quelque part, puis on le sait pas. Mais... Oui, elle a sorti sur un single, mais qu'il l'ait pas mis sur un album. Ça, c'est pas. Ok, ben c'est une. Je sais pas qui a pris la décision de faire. Pas assez accrochant. Ah, faut qu'on la trouve. Il manque quelque chose. Il manque des harmonies, je sais pas. Je sais pas. Ouais, en parlant de Nirvana. Fait que, ouais, mais moi aussi, en tout cas, c'est un autre type de nostalgie que j'ai de mon côté. C'est une compilation, encore une compilation. Là, c'est ma dernière. Là, c'est fini après. on arrête les concepts. Ça va. Là. Mais c'est parce qu'elle est particulière, celle-là. C'est pour ça que je l'ai quand même retenue. Parce que. Particulière dans les circonstances que je l'ai trouvé, parce que ça vient d'une vente, pas d'une vente de garage, hein. Bon, un genre de vente de garage, littéralement, d'un vieux monsieur qui vendait de la crap dans son garage. Ouvert. On appelle ça une vente de garage. Ouais, c'est ça, une vraie vente de garage, tu sais. Puis il savait visiblement pas trop ce qu'il vendait, mais anyway, c'est juste parce que c'est assez rare, j'étais quand même content de trouver ça. C'est une compilation italienne de 2000, sortie en 2000. Il s'appelle The Bossa Nova Exciting Jazz Samba Rhythm, volume 2. Il y a le mot excitant. Ouais, puis avec une fille dessus, comme tu peux voir, Francis. Une fille toute en body painting, directement sortie des années 60. Alors, c'est ça, c'est très prometteur. Et ça l'était, en fait. Et c'est une compilation qui a sorti d'une série de plusieurs du même type, là. C'est une série qui s'appelle le Bossa Nova Exciting Jazz Samba Rhythm. Il y en a plusieurs. Celui-là, c'est le deuxième. J'aime le nom, il est tellement long, faut que tu prennes ton respect. Ouais. Ouais. Ça, c'est ça. En tout cas, c'est très bon. Toutes des bonnes tunes, justement, soit d'Amérique du Sud, beaucoup d'Amérique du Sud, en fait. L'Espagne aussi, il y en a des Europes aussi, mais surtout, je dirais, c'est surtout Caraïbes, Amérique du Sud, tout ça, tu vois. C'est très bon, en tout cas. Fait que celle-là, c'est Os. Merci, je vais pas me mettre mes lunettes. Os Farufilas, qui s'appelle Samba Internazionale. Fait que, tu vois, c'est délicieux. T'as déjà entendu ça, en fait, sûrement. Ah ouais? All right. Tout le monde parle de samba. Vieni qua, andiamo. Un convite général para o samba legal, samba internacional. Let's go, everybody. Tout le monde parle de samba. Vieni qua. É convite geral para o samba legal, samba internacional. Samba, samba, samba internacional. Samba, samba, samba internacional. Samba legal, internacional. Samba, samba, samba internacional. Samba, samba, c'était évidemment Samba International. Et tu vois comment ça ils l'ont dit assez souvent dans l'automne pour qu'on sache. C'est ça le titre. Mais ça va avec la température ambiante, parce que ici, même si on est au sous-sol, c'est chaud dehors. Quelle température qu'il fait? Là, ici, c'est frais. On est bien. Mais oui, dehors, mais à l'extérieur, bien sûr, il fait 42 sous sol FM. C'est clair. Il fait 42 dehors. Mais nous autres, on est très, très bien. Petite fan. Petite fan, frette, tout est beau. En plus, les fenêtres sont ouvertes, là, à peine. Là. Un des seuls avantages d'habiter dans un demi-sous-sol, là, je tiens à dire, c'est l'été, mais qui dure à peu près 2 mois et 1 quart. Fait que finalement, t'en profites. Je suis pas mal fourré à l'année, là, mais bon. Mais le 2 mois qui fait chaud, si on est bien. Ça, je le prends avec plaisir. J'ai apprivoisé ma peur des insectes puis toute la patente, parce que ben quand t'es dans un sol, t'étais pas chouette. Ça se peut que t'en croises un peu. Mais avec des colocs. Mais moi, je vais continuer dans la thématique compilation. La dernière. Après, c'est fini. T'attendras la prochaine fois pour continuer de nous écouter, si ça te tente encore. Ça vient d'une compilation qui s'appelle Funk Power, Black Power. Et si seulement les gens qui écoutent pouvaient la voir en ce moment, c'est magnifique. Magnifique. Elle rivalise avec ma chicks, mais là, toi, c'est quelque une chose. Une magnifique femme noire avec un fro. C'est... Pas de body painting. Ah non. Pure, peu naturel. Écoute, Soul Patrol Records. Non. C'est sensuel. Avec du goût. Là, on n'est pas... Hein, c'est on est... pas... C'est un show familial. Là. On n'est pas déplacé. C'est pas l'autre. Ici, là. Comment il s'appelle? Le salaud, là. Le Blowfly. Ah, what am I supposed to do? Ça, Blowfly m'en a amené, ça. Vous allez aimer ça en nasty. C'est à peine vulgaire. C'est très. Toujours dans le bon goût. C'est ça qui a tué le disco, en fait. Carrément. Ça. Blowfly a tué le disco. Ben, pas tout seul, mais lui, il a contribué fortement en amenant le disco dans ce qu'il appelait le sex disco. C'était cheap, c'était. C'est ça, c'est effrayant. J'en ai un album, le Disco Party, dégueulasse. Ben, on va l'amener. Je me souviens d'avoir vu le derrière de cet album-là, puis ça a l'air dans un sous-sol vraiment... crade, épouvantable, avec des cagoules. Genre, ça a l'air... ça pue l'humidité avec un mélange de vieux sexe. C'est dégueulasse. Ça pue la cocaïne et la honte. T'sais. Ouais! Bien dit. C'est pas mal. C'est à peu près ça. Les petites shorts, les bas rayés aux genoux, les Converse, tu comprends pas trop. Lui, il a une cagoule sur la tête déjà. Il a qu'une cape avec des paillettes. C'est bien bizarre. Ah ouais, tu sais, il pète le style. Puis tu vois clairement que les filles qui sont là sont payées, mais sont pas sûres. Ben, il y a quelque ça. Chose. Il y a quelque oui, chose ça de sketch, pas trop là. Son haut, ces filles-là. Ils sont arrivés avec les yeux bandés. Mais comme... C'est ça. Ils sont là. Ça, c'est sûr. Anyway. Fait que, qu'est-ce qu'on a? On a Herbie Williams avec. Funky from the get-go. All right. Pas ça là. Ouais, parlez. We'll be right back. Nous sommes de retour. 42 sous Sol FM. Ouais, j'arrête pas de plugger le nom de l'émission. Ben, j'ai un peu oublié en cours de route, mais on va la programmation, vous êtes sûr que vous vous en souveniez. Oh, ouais, non, on veut. 42. Ben, pour moi, c'est ça le chiffre d'or. Sérieux, là. Ah, je sais, je te connais depuis assez longtemps. Francis emploie ce chiffre-là à toutes les sauces. Il fait 42, mais il fait aussi moins 42. Oh, il a attendu 42 minutes. Il y en avait 42. 42, c'est une exagération totale. C'est parfait dans toutes les situations, selon moi. Ça l'excuse tout. Ça crée la confusion. C'est comme... Hey, il faudrait que je fasse un 42 tôt. Le hashtag. Bon, on n'a pas de ça. Fait que là, tantôt, on effleurait un peu le nom. Mais je parlais de Kraftwerk, que j'avais ça dans la collection de mon padré quand j'étais jeune. J'ai eu la chance d'avoir ça. Fait que ça m'a allumé bien gros là-dessus. J'aimais bien ça. Puis on a toujours cherché les disques de Kraftwerk, hein, France, depuis que je te connais. Dans le fond, on a toujours aimé. Je les ai pratiquement toutes. Là, on a tout trouvé de son bas. Ben, les albums, là, de là à comme toutes les bootlegs, machin. Non. Il y en a plein, là. Mais celui que j'ai ici, il y a une histoire particulière, en fait. C'est le premier Kraftwerk avec le cône, OK? Le Philips. Ça, c'est quand même de quoi? C'est la version canadienne, je pense. Mais tout de même, c'est quand même de la merde à trouver, je peux te le dire. Puis, on l'a eu pour 5$. Lui, puis le deuxième, le cône vert, au Beatnik. Parce que le gars, il me les a vendus pour la pochette. Mais ils disent qu'il joue, là. Tu sais, le gars, il capote, là. Il ne pouvait pas les vendre parce qu'il était un peu graffignot, mais bon... Il joue en masse, puis je suis bien content, j'ai dit, la pochette est belle, oui, puis en plus, le disque, il joue. Fait que j'avais une version, moi, du deuxième, j'avais une version pirate, justement, italienne, verte, là, que je sais pas que je vais avec, je dois l'avoir donné à notre ami Renaud. Ah. Je dois avoir fait ça, moi, puis l'ai changé, quelque chose. En tout cas, je l'ai plus, mais non, je m'en calissais, c'était le pirate, là. Je viens avoir l'original, puis je tenais pas plus qu'il faut. Fait que, voilà, on fait ça des fois, des échanges. Fait que là, c'est... Attache-toi, là, parce que là, on en a pour au moins 6 minutes, là. Oh boy. OK, avec la flûte traversière, puis tout. Ouais, ouais, ouais, là, c'est du vieux, là. C'est le vieux Kraftwerk, là. On est dans le vieux Kraftwerk. Oh boy, OK. Ce Kraftwerk-là, il y avait deux membres de Kraftwerk qui vont devenir le groupe culte que vous connaissez sûrement, électronique. Puis il y avait deux autres membres, dont... je me souviens plus son nom. Ah oui. Rutherford? Mais non, ça, c'était pas ça. C'était Genesis. Je sais plus. Je me souviens plus de son nom. Un Allemand. Même combat. Anyway, c'était un Allemand. Puis, ils ont fait Neu en allemand, après. Qui est un autre bon band qu'on a aussi, qu'on va amener. Qui est plus krautrock qu'électronique. Électronique? OK, on passe ça. C'est bon, mon esti. Côté flûte traversière du gars de Kraftwerk, malade. We'll be right back. problème technique. On appelle ça accrocher le bras, tout ça simplement. Arrive, ça arrive. Mais c'était à finissait, mais oui. Elle durait à peine 16 minutes et quelques. C'est ça. Prenez une chance, tu sais. Mais beau bonne tune, franchement, ça me rappelle. Moi, j'aime bien ça, c'est ça. C'est voir, tu sais, pour ça, c'est sûr, c'est peut-être pas la musique que t'écoutes en te levant le matin, là, mais c'est le genre d'affaire que tu peux écouter plusieurs fois, tu sais. Puis tu vas toujours avoir de quoi on dirait que tu vas t'accrocher là-dedans. Tu vas entendre d'autres affaires, tu sais. C'est très riche. C'est ce qui fait que ça dure encore. C'est ça, que c'est encore bon à écouter aujourd'hui, tu sais. Fait que voilà, c'est pas pire. Ouais, ils l'ont pas fait en show. Non, ils la font plus celle-là. Non, je pense que le gars qui jouait de la flûte traversière, il est plus là, right? Non, il est là. C'est ah lui. Ouais? Ah oui, okay. C'est Ralph. C'est Ralph. Ah ouais? Ah. Non, Florian qui jouait la flûte. Justement, j'ai appris quelque chose qui m'a vraiment brisé le cœur. La seule personne qui reste dans le band, c'est Ralph. Oh. Le reste, lui, il fait des tournées de Greatest Hits. Ah, puis... Ouais, j'étais comme, OK, ben t'es comme un genre de Billy Corgan, là, finalement. Ouais, là, c'est moi le band. Ben, c'était... Plus le band, c'est par après, j'étais comme... Là, tu me brises le cœur, moi je pensais qu'il y avait... Ouais, ben moi aussi, pendant le show, j'étais comme, ben voyons, je reconnais, tu sais, genre... J'en ai Ralph, mais les autres, me semble. Ah, ça, c'est choquant. Fait que Florian n'est plus là. Parce que c'était lui qui jouait à la flûte, finalement. Fait que non, ils ne font plus. Puis c'était avec, les gars de nœuds aussi. Deux gars de nœuds qui vont faire un bend de peu de temps après de faire cet album-là. Là. Ils vont faire le deuxième, à peu près 6 mois après, même pas. On est en 69, je crois. 68, 69, 69, je pense bien. En Allemagne. Puis là, j'ai bougeté tantôt, finalement. C'est disque allemand. Fait que c'est allemand, au bout, all the way. C'est pour ça que ça sonnait plus froid. C'est allemand. C'est ça. C'est l'enregistrement original. Fait que voilà, fait que c'est bon. Ben, moi, je vois. À écouter les vieux albums de Kraftwerk. Autobahn, qui est le premier album qu'ils ont fait avec le nouveau band. Il y a des, à part la tune Autobahn, le reste de l'album, ça sonne comme du vieux Kraftwerk. Ouais, ça c'est vrai. Sauf qu'après ça, Autobahn a été populaire. Là, ils ont sorti, si je me trompe pas, c'est Radioactivity. Après ça, t'as eu Trans-Europe Express. Radioactivity. Man Machine, tac. Après ça, là, c'est des gros albums. Puis c'est ça. Il en est devenu ce qu'on sait aujourd'hui d'eux autres. Voilà, fait que c'est à toi, mon bon Francis. Qu'est-ce que t'as sur la planche? Moi, sur la planche, en fouillant dans ma pile parce que j'avais pas prévu assez de vinyle, Armand Tobin, fait longtemps que j'ai malheureusement arrêté de l'écouter. Pas Fortune Mantis. Ben non, come on, là. Ça joue dans une annonce de bière, là. C'est ça. On va laisser faire, là, on la connaît, là, le riff de piano, là, c'est correct, là, qui est un sample. Mais ça, en tout cas. Par contre, j'ai appris dernièrement que c'était le début de sur Apollo 100, qui est une. Ben, pas une. Ben, une genre de compilation, là, encore. en gros, c'est ça, c'est que c'est un sample du début de Nutcracker Suite. Qui a samplé. Mais tu sais, tant que tu te rends pas au bout, justement, où tu vas reconnaître la chanson, ben, c'est ça. Fait qu'il a loupé ça, puis il a fait son turbo hit avec ça, là, vraiment. Mais bon, peu importe. Moi, je vais faire jouer la toune Nightlife, que, en gros, il a samplé un bout de la trame sonore de Singing in the Rain. J'ai jamais écouté le film, personnellement, fait que je pourrais pas pinpointer direct où est-ce que ça me plaît. Mais c'est ça, j'ai trouvé ça un succès souvenir, si on veut. Ça nous ramène à notre période qu'on écoutait bien gros la musique électronique. Hein? Ben, le top de Ninja Tune. Ouais, Ninja Tune, c'est ça. C'est aussi simple que ça, le Ninja Tune, il était au top du top. Puis, ouais. Ben, là, ils se sont fait racheter. Puis... Ils ont disparu. Ouais, c'est plate parce que c'était je me trompe pas, c'était une collaboration Londres-Montréal. Il y avait un siège social ici. Oui. C'était cool. Il était impliqué à Montréal, Ninja Tune. ça l'a permis justement la en tout cas je pense la, la popularité, ça l'a aidé en tout cas à populariser le style ici parce que c'était pas si populaire. Puis t'as pas ça, t'as eu les pique-niques électroniques, t'as eu des événements de plus en plus, le Meg. Amon Tobin, Kid Koala, Jagga Jesus, je veux dire, la liste elle peut aller ad vitam aeternam. Des artistes qui ont passé par là pour comme un tremplin. C'est, en tout cas, c'était une bonne maison de disques à découvrir si vous aimez ce genre-là. Fait que voilà, lui était là-dessus aussi. Nightlife, Amon Tobin, 42 sous Sol FM. Thank you. Amontobin Nightlife. Ouais, j'ai aimé comment je dis Amontobin. 42 Sol FM, Francis sa femme, David Le Siège. Et voilà. Hey, ça achève, là, Francis. Oh, oui, non, ça va être la dernière étoune, malheureusement. Ah, attends, oui. Attends, on est ici, là. Ah, ouais. C'était pas exactement le son que j'avais en tête, là, mais. Y a-tu maintenant la face triste, mettons, là, là-dessus? C'est ça. Non, là. Non, ça non, non, ça. Y a peut-être pas lui, peut-être lui, tu le dis. Ouais, un peu d'argent, mais je voulais le son. On l'a pas. Malheureusement, il n'y a pas le son de cette sitcom qui fait ah. Oh. Bon, on n'est pas dans Seinfeld ici, là. Non. Fait que. Quoique. Ah. Ok, fait que moi je vais finir avec une chanson de tantôt aussi. On en a parlé, j'ai effleuré le nom. Je fais ça des petits liens de même. Pif, pif, pouf. Pif, pouf. J'ai dit rapidement tantôt, on parlait de Dark Wave. Là. Jesus and the Mary Chain, qui est un groupe. Jesus and Mary Chain? Mais comme redevenu populaire récemment. C'était justement, quand je parlais tantôt d'un album qui coûtait pas cher et qui coûte cher à cette heure, j'avais exactement ce band-là en tête parce que c'est ça. J'avais déjà vu le Darkland, qui est le deuxième album, pas Psycho Candy, pas celui que tout le monde achète chez Urban Outfitters. C'est lui qui est après. À peine un petit jab. 4$, puis c'était plus 4$ quand j'ai repassé plusieurs mois plus tard, faut dire. Mais il était pas vendu. La spéculation a fait son œuvre. C'est là, ça, c'est pas vendu, mais moi je voulais plus l'acheter rendu là. J'ai de la merde. Fait que là, ce que j'ai, en fait, c'est ça. Puis ça aussi, c'est une particularité du vinyle, ça qui est le fun. T'sais, on peut revoir des choses. Ça, c'est un disque récent, en fait, mais c'est du early stuff de Jesus and Mary Chain. C'est dans le fond des démos. Hein, avant Psycho Candy. Ok, fait que c'est pas un album officiel. Là. Non, non, non. C'est pas des tunes qui étaient sur l'album officiel non plus. C'est des versions de tunes qui sonnent un peu plus dégueulasses. Mais. Ben, c'est ça. Ça sonne déjà pas clean. c'est peut-être ça qu'on veut plus. Ben, c'est ça, tu sais. C'est que c'est le son moins les producers, puis moins la compagnie de disques qui voulait que ça soit plus clean. Fait que c'est quand même. Ce qu'on appelle communément dans le temps du grunge le son Nevermind. Le son Nevermind, ouais, c'est avant ça. Mais. Non, mais t'as-tu écouté les mix originaux, justement, de je t'en avais parlé, ça? Oui, mais faudrait que je m'y mette. Non, j'ai pas fait ça, mais j'en doute pas, en fait. C'est sûr que les compagnies de disques, ils veulent comme rendre les groupes un peu... T'sais, ils veulent égaliser les coins, couper ça drette pour que ça sonne un produit, puis quand que c'est trop brut, il faut raffiner. T'sais. Pour eux autres, c'est de même voix ça. Parce ouais, que... mais sauf que... Rajoute-moi 4 tracks de voix, là, question, sinon on donne pas assez large. Je veux dire, hey, là, remplis-moi la pièce. Ouais, des fois, c'est un peu abusif. Fait que voilà, non, là ça va être rien qu'une track, là. On n'a pas 3-4. Ça rentre dans tes dents. Puis c'est lourd un peu, mais ça finit après. Fait que après ça, tu prends une limonade, puis tu vas dehors voir le soleil, puis ça va bien aller. Tu t'en vas à l'extérieur où est-ce qu'il fait 42 sous sol FM. C'est ça, tu sors dehors, puis il fait chaud et le crisp, puis t'en profites. Tu vois, c'est assez contraste. Fait que c'est parti. Jesus and the Mary Chain, la tune s'appelle. Attends un peu, laisse-moi regarder. Atikatikawak, je pense que c'est Taste the Floor. Taste the Floor. Goûte le plancher, toi. Ouais, ça en dit long sur les. Ça fit avec son déjà époque. Déjà positif. c'est parti. Thank you. c'est la dernière chanson. C'était quoi le titre pour la fun? Hit the floor. Ah, c'était pas Taste the floor? Ah, Taste the floor, oui. Ah, taste, ouais. Taste, goûte le goût du plancher. Goûte le plancher, écoute, goûte la saleté. Écoutez, c'est la fin. Merci à tous d'avoir été à l'antenne. Toffé, une heure et demie. Ah, mais non, c'est entrecoupé de musique. Là, on ne fait pas juste crosser nos égaux. Soyons honnêtes. Ben non. Mon nom est Francis Sapam. David, le siège. Vous avez été à l'écoute de 42 sous Sol FM. Sous Sol FM. 42 sous Sol FM. Merci. Au revoir. Bonne soirée ou bonne journée, peu importe quand vous écoutez ça. Merci. Ciao. Bye.